Il aurait été très imprudent de s'aventurer sur les chemins enneigés dans de telles conditions. La tempête faisait rage, mais la marquise s'entêtait étrangement. Le jeu avait-il commencé?